Selon le journal d'internet sud-coréen Jeju Sibon, la direction de lutte pour la mobilisation générale des masses populaires, formée d'une cinquantaine d'organisations, y compris la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération générale nationale des associations des paysans, a tenu le 14 février une conférence de presse sur la place Gwanghwamun à Séoul et proclamé la lutte pour la mobilisation générale des masses populaires pour la retraite du pouvoir de Bakounet. Elle a publié un test titré « 4 ans du pouvoir de Bakounet, la fin est mise ».